Chapitre 8e. Cependant, la sécheresse continuait toujours, à la grande inquiétude des squatteurs, qui commençaient à voir rôder, parmi leurs troupeaux de moutons décharnés, le fantôme dévastateur de la famine. En vain, en envoyait-on des milliers au marché de Melbourne. Faute de nourriture, les pauvres bêtes mouraient en route. Le long des chemins, l'herbe avait entièrement disparu, et le berger, qui en partant avec 5000 moutons, arrivait avec 500, se trouvait encore bien heureux. Un matin, Madame Murray déjeunait avec M. Lassell et son fils. C'était une de ces rares occasions où l'on se trouvait à trois, et Madame Murray en profita pour demander au précepteur de vouloir bien la conduire en buggy jusqu'au township de Roomera, tandis que Bobby les suivrait à cheval. Une heure après, on se mettait en route. Le précepteur était monté sur le siège, et Madame Murray, dont la tête était entourée d'un voile épais en gaze grise comme protection contre les piqûres des insectes, s'était tranquillement assise à ses côtés. Le paysage était triste comme une toile décolorée. Le ciel était obscurci par la fumée des feux qui brûlaient encore dans le lointain, et le soleil, en ressortant sur ce fond sinistre, avait l'air d'une plaque ardente de cuivre dont la chaleur métallique aurait embrasé la terre. C'était un pauvre monde flétri que l'on parcourait, où l'on ne voyait que des squelettes d'arbres et les tiges desséchées des chardons. Il y avait longtemps que les moutons en avaient mangé les fleurs. Pour Arthur, les moignons carbonisés des gommiers avaient un aspect plus séduisant que les arbres qu'il avait vus dans tout l'éclat de leur robe printanière en Europe. Bien qu'elle fût toute cachée sous sa gaze, comme une femme orientale, il devinait les regards de Madame Murray rien qu'en l'écoutant, et lorsqu'il ajustait sous ses petits pieds le carreau qu'elle avait déplacé, on lui couvrait les genoux d'un châle léger pour la garantir contre la poussière du chemin, sa voix vibrait de tendresse. Il avait beau vouloir changer de ton en adressant des paroles encourageantes aux chevaux, sa voix résonnait encore de la passion qui le maîtrisait. Quant à Madame Murray, elle ne cherchait pas à analyser ses émotions. Elle ne se demandait même pas pourquoi une promenade en buggy par une journée brûlante à travers un pays affreux lui semblait si agréable. Elle était heureuse, et si on lui en eût demandé la cause, elle aurait répondu, sans doute, que c'était le nouvel espoir que lui donnait son projet secret ou bien la joie de contempler son fils. Peut-être aurait-elle cru elle-même à l'une de ces deux raisons. Elle parlait de son fils, d'elle-même, des souvenirs qu'elle gardait du pays où elle avait passé ses jeunes ans. Là, le soleil ne jouait pas, comme en Australie, un rôle destructeur. Là, on ne manquait jamais d'eau. L'hiver, les grandes montagnes entassées avaient l'air de se courber sous le poids des gros nuages noirs qui les encombraient, et l'été, même quand on voyait briller leurs cimes blanches sur l'azur clair du ciel, leurs bases violettes restaient indistinctes, introuvables, dans la brume humide. Là, on ne savait pas ce que c'était qu'un sol déchiré par les rayons du soleil. Au contraire, quand la neige fondait, on trouvait la terre toute tapissée de verdure, et au printemps elle se parait d'un habit aux couleurs variées. La bruyère tachetait l'herbe veloutée en rose, en pourpre, en mauve, en or. Enfin, quand elle était enfant, il y avait des moments où elle se figurait qu'un arc-en-ciel était tombé et qu'elle envoyait les morceaux brisés sur les pentes des montagnes lointaines. Arthur, de son côté, avait vu des pays qui contrastaient singulièrement avec l'Australie. Il pouvait faire la description de ces villes anciennes qui ne sont aujourd'hui que les tombeaux grandioses des nations qui les ont élevées. Il pouvait dépeindre en termes pittoresques les cités les plus magnifiques des temps modernes. Quand il parlait de leur civilisation, de leur luxe, de la prétention qu'ils avaient de se croire chacune la première, il faisait comprendre à Madame Murray qu'au-delà de Tamboruna, il se trouvait des gens qui ne se souciaient guère de la sécheresse australienne, pour qui tout le continent de l'Australie même n'avait pas l'importance du moindre îlot du vieux monde. Tandis qu'elle écoutait ces paroles, l'horizon semblait s'élargir. Son imagination voguait dans des espaces si larges que ces terres de Tamboruna ne suffisaient même plus à les remplir. Sa station n'était plus le pivot de l'univers. Néanmoins, à mesure qu'elle approchait de Roomera, son exaltation se refroidissait. À la vue des trois constructions du township, son horizon se rétrécit. Elle dénoua alors son voile gris en passant la main sur son front, comme pour chasser un rêve. Puis elle demanda qu'on fît halte devant la porte de l'école communale. L'école était située dans la grande rue de Roomera, l'endroit le plus fréquenté des oies et des chèvres. Cette rue avait l'aspect d'un désert, car ses promeneurs habituels l'avaient abandonnée, et sur toute sa longueur on ne voyait autre chose que le sol jaune et raboteux, sec comme un biscuit qu'on aurait laissé trop longtemps au four. L'école n'était pas seulement un bâtiment destiné à l'usage de la jeunesse de Rouméra. Le dimanche, la salle se transformait en chapelle. La semaine, les enfants du voisinage s'y rendaient. Deux fois par mois, le curé de l'église anglicane venait pour les catéchiser, et c'était parce que Madame Murray comptait le trouver à l'œuvre qu'elle était venue jusqu'à Rouméra pour le consulter. Suivant ses ordres, Arthur fit arrêter le buggy devant la porte de l'école. Il s'attendait à en voir sortir le curé, mais Madame Murray déclara qu'elle irait trouver le pasteur elle-même. Bobby avait suivi sa mère, en laissant son cheval à la charge de son précepteur. Celui-ci put voir que l'enfant n'était pour rien dans la conversation qui s'engageait entre Madame Murray et son ami de l'église anglicane. Le curé était venu à la rencontre de Madame Murray, et lui et elle, debout devant la porte de l'école, causaient longuement d'un air mystérieux. « Cela sera pour demain, donc, » dit-il au moment où elle montait en voiture. « Pour demain, oui, puisque vous l'approuvez, » répondit Madame Murray. Que le retour fût autre que l'aller, qu'il eût été difficile à Arthur de retrouver cette douce intimité du matin.